Washing machine, Rita. Tu m'as parlé de ça. Je ne dis pas ça par dégoût, non, mais parce qu'au début, ça m'a fait peur. Oui, au départ, j'ai flippé. Toutes ces années avec toi, nos enfants dans la cuisine en train de tartiner leurs crêpes, mes parents qui venaient dîner, et toi en face de moi, dans la buanderie, entre le panier de linge sale et la machine à laver, m'annonçant que tu voulais le faire à trois. Mais pas n'importe quel trois. Toi, moi et un autre homme. Mais pas pour moi, l'homme. Pour toi. Tu m'as parlé de ça les yeux baissés, au début. Parce que trop de honte. Parce que ce n'est pas rien. Non pas le fait d'avoir envie de le faire avec un autre homme, mais plutôt le fait de me le dire seulement maintenant, après 12 ans de vie commune. Aveu inavouable, m'as-tu dit pour t'excuser. Même toi, tu chassais cette idée lorsqu'elle se présentait à ton esprit. Puis un jour, il y a 3 ans, tu as essayé avec un homme et tu as aimé. Puis tu as essayé encore et tu as encore aimé. Alors, dans le sous-sol, tandis que la machine patientait gueule ouverte et que nos deux filles se chamaillaient, tu as poursuivi et, avec une certitude déconcertante, tu m'as confié que tu étais bisexuel. Je t'ai fait répéter. Et tu as répété. Le soir, quand mon père et ma mère se sont pris la tête entre le fromage et le dessert, j'ai balancé ma chaise en arrière et, sans un mot, je suis montée dans notre chambre. Tu t'es excusée pour moi. Ils sont partis contrariés et tu m'as rejointe là-haut. Tu m'as prise dans tes bras. Tu m'as embrassée, serrée, et j'ai répondu à tout ça. J'ai lâché prise. J'ai réalisé que toi non plus, tu ne savais pas tout de moi, que de nombreux fantasmes m'habitaient, dont je ne t'avais jamais parlé car moi-même, j'avais du mal à les assumer. J'ai dédramatisé. Considérez cela comme une pulsion animale, pervertie par la conscience morale de notre éducation judéo-chrétienne. J'ai lavé les souillures engendrées par tant de pudeur. Washing machine. Et en faisant cela, j'ai commencé à t'admirer, toi, celui que les règles ne domestiquent pas. Toi, celui qui a osé. Et ta virilité s'est imposée à moi. Fascinante, désirable. J'ai balancé mon armure de sainte bienséance contre le mur et, fiévreuse, je me suis débarrassée de ma culotte humide. Nous avons fait l'amour avec force, toutes les lumières allumées. Ma tête plaquée contre un coussin, contre la tête de lit, contre le tapis, contre la porte. Ta queue, dans mon vagin, dans ma bouche, dans mon cul, ta langue affamée cherchant mes tétons, mes aisselles, le moindre de mes plis. Tes doigts aussi, partout. J'ai joui 3 fois. Puis, nous nous sommes endormis, nus, emboîtés au pied du lit. Mais la peur est restée tapie, et je n'ai pas voulu en reparler. On a laissé passer quelques jours, quelques semaines. Puis un soir, dans le lit, dans le noir, je t'ai posé la question. Quand tu étais ado, tu avais déjà cette attirance pour les hommes? Tu as déjà fantasmé sur un de nos potes, de tes potes? Puis j'ai voulu en savoir plus. Tu aimes sucer des queues? Tu préfères pénétrer ou être pénétré? Tu les embrasses? Ta dernière réponse a fait place au silence. Un long silence et tu t'es endormi. Moi, je n'ai pas dormi. J'ai d'abord éprouvé des crampes dans mon ventre et dans ma gorge, les yeux ouverts sur la nuit. Puis je suis descendue boire de la vodka. J'ai bu 3 verres. Et je me suis allongée dans le canapé. Les images de toi avec un autre homme m'ont paru plus douces. Les crampes ont disparu. Et mon ventre a commencé à me chauffer. Je t'ai vu, toi, l'homme que j'aime, prendre du plaisir avec un autre homme, et ça m'a excitée. J'ai eu envie de me caresser, mais je n'ai pas osé. Nous en avons reparlé, un autre soir, les yeux dans les yeux cette fois. Toi, moins honteux, moi, plus compréhensive, curieuse. Nous nous sommes détendus, puis nous avons ri. Puis tu as écarté mes jambes et tu m'as léchée, affamée. Ensuite, nous en avons parlé tous les soirs. À chaque fois, c'est moi qui ai initié la conversation. De plus en plus intriguée, de plus en plus excitée, jusqu'au soir où je t'ai dit « Oui, je suis d'accord, j'ai envie de faire l'amour avec toi pendant qu'un homme te fait l'amour. » Tu n'as pas répondu. pas besoin de mots. Tu m'as simplement serré dans tes bras. J'ai soulevé ma jupe, écarté ma culotte et sans préliminaire, je t'ai enfourché. Il y a 2 mois que tu m'as parlé de cela et maintenant nous sommes là, dans cette chambre d'hôtel, à l'attendre, lui. Celui qui nous déflorera. Nous ne le connaissons pas, ni toi ni moi. Tu as préféré ne pas faire appel à l'un de tes amants, afin que nous soyons en quelque sorte à égalité. Nous sommes un peu maladroits. Je me lève, tu t'assieds et vice-versa. Vice-versa. J'allume une lampe, puis je l'éteins. La pénombre, c'est mieux. Tu confirmes. Tu sembles être aussi tendu que moi. Ce n'est pourtant pas ta première fois. En fait, si. Lui, quel qu'il soit, avec moi, c'est ta première fois et tu as le trac. Parce que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime et c'est pour ça que je suis là. Parce que je veux t'aimer tout entier avec cette part de toi que jusque-là, tu n'assumais pas. Il frappe, ouvre la porte. Je suis soulagée, il me plaît. L'homme est blond, de taille moyenne. Il est un peu plus jeune que nous. Il doit avoir 35 ans. Il porte une chemise noire qui lui donne beaucoup d'allure. Nous sommes maintenant 3 dans la pièce. Vous êtes côte à côte. Je vous regarde sans rien dire. Tu es plus grand que lui, plus large aussi. Et ta crinière sombre contraste avec ses cheveux d'ange. Vous êtes beaux l'un et l'autre. Personne ne parle, mais les bouches et les regards disent ce que les voix taisent. Nous n'avons rien prévu, pas de plan. Nous n'avons pas dit qui commencerait et comment tout cela s'organiserait. L'homme a l'air détendu, mais tu lui sers un verre, puis aussi un verre à toi et à moi, puis un second. L'alcool nous fait du bien. L'appréhension s'évapore. Plus de trac. L'envie peut naître. Elle naît. Je m'approche de l'homme et je lui déboutonne sa chemise, même si je sais qu'il n'est pas pour moi. Je déballe ton cadeau et j'aime ça. Je caresse son torse glabre, le lèche et le renifle. Je poursuis mon exploration jusqu'à son pantalon que je déboutonne. Je découvre son sexe. Il est lisse. Tout est lisse chez lui. Je le prends dans ma main et je le branle quelques minutes pour voir. Je sens que tu nous regardes. Ça m'excite. Je me tourne vers toi et je t'embrasse à pleine bouche, ma langue cherchant la tienne. Tu réponds à ma fougue, tu me dévores. Tes mains relèvent ma jupe et empoignent mes fesses qui se cambrent. L'homme se déshabille. Il s'allonge nu sur le lit et se branle. Il a compris que c'est notre première fois et nous laisse progresser à notre rythme. Tu enlèves mon chemisier, mon soutien-gorge, ma culotte et me laisses ma jupe. Tes dents me mordent un téton, puis l'autre. Tu les suces. Je sens s'ouvrir mon entrejambe, de plus en plus humide. Je fais un pas en arrière et rejoins l'homme. Nous sommes chacun d'un côté du lit, le dos contre le mur. Lui, nu, sa belle queue dans sa main. Moi, avec seulement ma jupe autour de la taille, genoux relevés et cuisses écartées, pour t'offrir toute mon intimité, frottant de mes doigts mon clitoris en érection. Tu nous observes un moment. Je vois ton regard changer, s'animer, savourer. Tu te déshabilles. Tu es maintenant debout, au pied du lit. J'admire ta poitrine sculptée et poilue. Ta queue gonflée de désir me paraît encore plus grosse que d'habitude. Je plonge mon index dans mon vagin trempé. Tu nous rejoins sur le drap. Tu te mets à 4 pattes et tu viens lécher ma chatte. Tu t'immobilises quelques instants, puis recules et toujours dans la même position, tu changes de côté. À présent, c'est la verge de l'homme que tu titilles de ta langue et que tu enfournes dans ta bouche. Tu le suces. Je te regarde faire et étrangement, ça ne me fait rien. Rien de mal, je veux dire. Tout est normal, parfaitement normal même, et ça décuple mon désir. Nous restons ainsi de longues minutes, ta bouche passant d'un sexe à l'autre. L'homme se redresse, tandis que tu es toujours accroupi, ta tête entre mes jambes. Il se place derrière toi et fourre son nez entre tes fesses. Il te lèche le cul et je sens ta bouche qui me lèche plus avidement. En même temps, il a pris ta queue dans sa main et te branle. Tes soupirs se mêlent aux miens, de plus en plus forts, lascifs. Puis l'homme se redresse, attrape le gel sur la table de nuit, l'étale autour de ton anus. Je ne vois rien et pourtant je vois tout. Ton trou offert palpitant sous ses mains. Les cercles qu'il dessine avec son pouce autour de ta corolle anale. Puis ses doigts d'homme te pénétrant par derrière. Tu suffoques de plaisir entre mes jambes. C'est déroutant. C'est bon. Puis tu pousses un gémissement plus fort que les autres. Un râle que je n'ai encore jamais entendu. Je vous vois, toi à quatre pattes entre mes jambes, lui accroupi derrière toi face à moi, sa queue dans ton cul. Mes yeux n'en perdent pas une miette, curieux et vicieux, et ils matent sans retenue, et mon plaisir n'en finit pas de grandir. Je jouis bruyamment. Je suffoque tandis que l'homme accélère son va-et-vient qui augmente la puissance de ton souffle chaud. Puis je me tortille et me déplace doucement pour rejoindre ton sexe. Je suis maintenant sur le dos, allongée sous toi, ma tête entre tes jambes. Au-dessus de mon visage, sa verge apparaissant et disparaissant dans ton cul, et ta bite que je saisis avec envie et que j'enfourne dans ma bouche. Je la dévore, j'ai faim d'elle, de toi. L'intimité que tu m'offres ici, cette part de toi que je ne connaissais pas et que tu partages enfin avec moi, cette sexualité autrement me transporte. Je suis une nouvelle femme dans ce lit et je n'ai que faire de la bienséance des tabous de mon éducation catholique et conservatrice, des codes qu'on m'a inculqués depuis l'enfance. Je n'ai pas honte de ce que nous faisons. Au contraire, ça me libère. J'explore et j'explose. Ton corps ne m'appartient pas, ton désir non plus, mais quelle chance de pouvoir partager ça avec toi. Tellement de gens vivent ça de leur côté en cachette pour préserver les apparences. Les couples se trompent bien au-delà des simples adultères. Certains se trompent en profondeur, en cachant à l'autre leur réelle nature. Heureusement, tu nous as épargné cela. L'homme se retire et tu te jettes dans mes bras. Tu m'embrasses avec passion. Tu me plaques sur le lit, tu me montes dessus, tu me pénètres. Ton sexe dur me remplit. Tes yeux sont plantés dans les miens. Je te vois comme je ne t'ai jamais vu. À nos côtés, l'homme se branle en nous regardant. Ça me plaît. Pour quelques heures, il fait partie de notre intimité et je ne le considère pas comme un étranger. Je suis embarquée, imbriquée dans tout ça. Je suis à l'aise et en réclame plus. Prenant les choses en main, je t'invite à te mettre sur le dos, jambes écartées, tes fesses sur le rebord du lit. Je t'enfourche en glissant ton sexe dans le mien. À cheval sur toi, je dandine, remue mon bassin, frotte mon clitoris sur ton bas-ventre. L'homme se place au bord du lit et couvre ton cul de gel. Tu écartes un peu plus les jambes et il enfonce à nouveau sa queue dans ton petit trou affamé. Je ne lâche pas tes yeux pour y voir le plaisir déborder de ton regard. Tu te laisses aller un moment, rassasié par nous deux, puis tu soulèves la nuque pour nous voir, moi empalé sur toi, lui qui te prend par le cul, son torse contre mon dos, son souffle dans mon cou, nos visages si proches. Tes pupilles brillent, ta respiration est de plus en plus rapide, de plus en plus sonore. Ton plaisir grandit et tu finis par jouir en moi. À ton signal, c'est lui qui jouit. Je pose alors ma main sur mon clitoris, le frotte sans demi-mesure et en quelques secondes, je jouis à mon tour. Sur le lit, nos trois corps, trempés, beaux, brillants, enchevêtrés, entortillés, ne formant plus qu'un seul corps. Nous nous endormons. À notre réveil, il n'y a plus que toi et moi dans le lit. L'homme a disparu. Nous ne parlons pas, il n'y a rien à dire. Les sourires niais qui s'emparent de nos visages suffisent. Le lendemain, en fin de matinée, nous rentrons à la maison. Les filles jouent dans leur chambre. Ma mère, qui a gardé les petites, me raconte leur soirée. Puis me demande comment s'est passée la mienne. Je lui dis que c'était très réussi et que nous comptons récidiver plus souvent. Elle sourit, approuve, ajoute qu'elle me comprend et qu'elle aurait aimé pouvoir faire ça avec mon père, mais qu'il n'a jamais eu l'énergie pour ça. Le mot ça résonne dans ma tête et je me demande si mon père a un jour pensé à ça, s'il a déjà eu du désir pour un autre homme, si ma mère et lui ont pu vivre des expériences charnelles aussi belles que celle-ci. Je prends ma mère dans mes bras et je la remercie. Elle s'en va. Tu es dans le bureau. J'ai encore faim, encore envie. Je relève ma jupe. Je m'assieds sur toi. Tu glisses ta main entre mes cuisses. Sur l'écran, la page d'accueil du site où nous avons trouvé l'homme. Tu cliques encore, et tu me la montres. Elle, avec sa crinière blonde et son sourire coquin. Dans la chambre, ce sera elle la prochaine fois. Et elle sera pour moi.